Thérèse a lu tous les bouquins. Thérèse a fui tous les potins. Loin du brouhaha politique. Thérèse porte son voile mystique. Briser l'anathème de ses grands yeux de diadème. Totem, totem, totem, Thérèse chrysanthème. Le ciel est bleu, l'océan bleu, les larmes bleues de Thérèse. Le ciel est bleu, l'océan bleu, il pleut des diamants bleus, des yeux de Thérèse. Viens à la maison, le temps t'attend. Viens à la maison, on t'aime tant. Viens à la maison, le temps t'attend. Viens, viens, reviens, essence du temps. Vêtu d'un soleil, Thérèse est merveille. Sous ce ciel vermeil, sa solitude s'éteint quand l'océan l'étreint. Et tout là-bas, au Bahamas, loin, très loin de nos yeux piranhas, loin de tous les fracas, Thérèse te laisse pas éteindre. Et sans haine ni rengaine, les ailes bohèmes de l'éternel l'amènent loin de la gêne. Et Thérèse n'a pas de haine. Viens à la maison, le temps t'attend. Viens à la maison, on t'aime tant. Viens à la maison, le temps t'attend. Viens, viens, reviens, Thérèse, reviens. Viens, viens, reviens, Thérèse, reviens. Viens, viens, reviens, Thérèse, reviens. Viens, viens, reviens, Thérèse, reviens.